stress, adrénaline. Conduire ivre dans la ville, fonce, départir en vrille, finir en pièce dans la vitrine. À 300 sur le périph, les gyrophares, le shérif. Forcer le barrage, rater le virage, ne pas être assez vif. En moto, pas de casque, plaque d'huile, c'est la claque. Finir paralysé, mourir ou vivre avec des plaques. Faire le fou, jouer au dur, prendre des riches, jouer l'ordure pour sûr. Là, c'est droit dans le mur. J'écrase dans une boîte cac, écrase 9 mois après, on t'appelle papa trop tard. C'est la rodka, devoir conjugal, boire au bar tous les soirs, être brutal avec sa femme, finir tué sous ses balles. Courir après les filles comme un vrai sex appeal, voir sa vie qui défile, pleurer le jour où la meuf file. Faire le fou, jouer au dur, prendre des riz, jouer l'ordure pour sûr. Là c'est droit dans le mur. Cagoule sur la tête, file le flou sous sa pète. Se faire pincer, copé de 20 ans à perpète. Taper une maison sans aucune discrétion. Tomber sur le propriétaire vénère armé d'un peu bon. Trafic de voiture, sale fric, luxure. Priant, filature, c'est la fin de l'aventure. Faire le fou, jouer au dur, prendre des riches, jouer l'ordure pour sûr. Là c'est droit dans le mur. Jeu d'argent dans une planque, trop misé, c'est la crampe. Perdre tout ce que l'on possède sur son compte en banque. Amuser la galerie comme alcoolique. 4 grammes, c'est fini, c'est le coma éthylique. Faire voir sa touffe, jouer la bouffe grave. Finir en tournante, à 10 dans une cave. Faire le fou, jouer au dur, prendre des riz, jouer leur dur pour sûr. Là c'est droit dans le mur. Max l'a pété, battle engagé. Se faire déchirer par un petit MC qui débutait. Jouer le Mac dans la soirée, se moquer d'un enfoiré. Malheureusement le gars est armé de la tête aux pieds. Trop d'argent à devoir, rentrer tard un soir. Des tapants, racnards, sans prendre plein la poire. Faire le fou, jouer au dur, prendre des riz, jouer l'ordure pour sûr. Là c'est droit dans le mur. En vouloir toujours plus, bouffer toujours plus, liser toujours plus, éclamser d'un infarctus. Sourire au diable, mourir en sacrifice dans une secte abominable. Être perché trop haut, louper sa cure. Se cramer le cerveau avec un shoot d'héros pur. Faire le fou, jouer au dur, prendre des riz, jouer leur dur pour sûr. Là c'est droit dans le mur. Droit dans le mur.